Donc, c'est ça. Et pour finir sur le dossier de la loi 3 et des régimes de retraite, ce matin, Jacques Létourneau, le président de la CSN, dit qu'on est déterminé. Là. Les syndicats sont déterminés à ne pas se laisser faire. L'austérité budgétaire va subir l'épreuve de la rue. Bon. C'est ce qu'il dit à nous matin, la rue. À nous la rue. Et là, l'AC est pas trop loin. L'Association pour une solidarité syndicale étudiante sera de la partie. On va être dans la rue le 31 octobre pour dénoncer le saccage des services publics. Toi, là, si t'es la CSN, là, veux-tu vraiment l'appui de l'AC? Non. Tu sais, t'es dans une guerre d'opinion publique où tu vas avoir l'appui de la population. Est-ce que tu dis à l'AC, ça, c'est l'ancienne gang de Gabriel Nadeau, Dubois, Nugent, Tompkins, là. Tu leur dis, restez chez vous. OK, restez dans le sous-sol chez vos parents, Westmount, là. Puis laissez-nous manifester, vous n'avez pas de crédibilité. J'ai vu du monde au conseil municipal hier, là, que si je voyais arriver dans une manif là, de mon bord, là, j'arrête tout, je ramasse les pancartes, je plie bagages, puis je dis, regarde, c'est du monde que dès que tu vois arriver, tu sais que la marde va pogner, tu sais qu'ils sont là pour mettre la marde. L'assé, c'était un peu ça, là, dans le temps de Gabriel Nadeau-Dubois. C'est ça, c'est eux autres, c'était pas mal eux autres qui virent la gang. Là. Moi, je me souviens qu'on m'a reproché, là. Il y a un ordre professionnel qui m'a reproché d'avoir manqué de politesse avec Gabriel Nadeau-Dubois. Je me promène avec ça sur ma chemise comme une médaille d'avoir manqué de politesse avec un impoli. Ouais, on s'était fait dire ça, hein. Je suis fier de ça, moi. Oui. Moi, c'est un haut fait d'armes pour moi, là. Le pire, c'est qu'on a été blanchis par l'organisation en question. Oui. Mais ils nous ont dit qu'on avait été impolis. Regarde. Ouais. Le manque de politesse envers Gabriel Nadeau-Dubois, Flo qui a niaisé le Québec au grand complet, puis hey, c'était les unes de revue, toi, puis le catalogue Sears, puis les affaires. Est-ce que je regrette d'avoir manqué de politesse avec un petit de polisson? Non, pas du tout. Non, hein? Pas du tout. Ça va être correct. Ça va être beau. Ça va être correct. Revenons au conseil de ville.